Marco Douiman. Merci d'être avec nous dans ce journal dont voici tout de suite le sommaire. Le sucre manque encore dans les boutiques et alimentation de la mairie de Bujumbura. À la société sucrière du Mossol, on rejette la responsabilité à l'administration. La construction du stade Inhuari est à 78% des travaux, annonce faite ce mercredi en conférence de presse par l'ingénieur en chef chargé de ces travaux. Et le nombre de fumeurs au Burundi a diminué depuis 2017, d'après une enquête menée par une organisation de lutte contre les stupéfiants et rendue publique ce 31 mai, journée mondiale sans tabac. Voilà pour le sommaire. Isanganiro, la radio de l'avenir. Abelia Mugisha assure la mise en onde de ce journal. La pénurie du sucre continue à se manifester en mairie de Bujumbura. Les consommateurs affirment qu'ils l'achètent aujourd'hui à un prix variant entre 3 800 et 4 800 francs burundais par kilogramme. Ils demandent à la société sucrière du Mosso de trouver une solution à ce problème. Suivez ce micro-trottoir. J'utilise très souvent le sucre, mais j'achète ce sucre dans les boutiques où les prix sont très variés. Il y a les boutiquiers qui vendent ce sucre, 1 kg de sucre. Coûte 4 800. Il y a les boutiquiers qui vendent ce sucre 4 500 par kilo. Il y a ceux qui vendent ce sucre 4 000 francs. Et les uns vendent le sucre 3 800 par kilo. Donc les prix sont variés. Ça dépend des boutiques qu'on se dirige pour acheter ce sucre. La pénurie du sucre refait surface. Nous ne comprenons pas ce phénomène car même ceux qui peuvent en avoir le trouvent au prix élevé par rapport au prix fixé par le gouvernement. Dans le contexte actuel, la pénurie du sucre reste toujours un grand problème car la fois passée, nous en avions trouvé facilement. Mais jusqu'à maintenant, si on a la chance d'en avoir au dépôt, l'on ne nous donne que 2 ou 4 kilos et on doit souvenir de l'emballage pour cette date. La pénurie du sucre cause des différents problèmes car dans les boutiques où nous en achetons, nous n'en trouvons plus. Nous demandons que ce sucre soit disponible pour que tout le monde soit servi. Et la société sucrière du Mosso Sosumore affirme avoir des quantités suffisantes de cette denrée jusqu'à la prochaine campagne, tout en précisant avoir distribué plus de 650 tonnes ces deux dernières semaines en mairie de Bujumbura. Le représentant de cette société déplore les lamentations des citadins liées au manque de ce produit. Festus Tuisenge précise aussi que les listes des grossistes sont fournies par l'administration qui l'invite à suivre la vente au détail. La Sosumo, pour le moment, on constate aucun problème de distribution du sucre parce que la Sosumo distribue du sucre chaque mois une quantité suffisante. Pour le moment, la Sosumo ne comprend pas pourquoi les consommateurs de ce produit se lamentent sur le marché. La quantité distribuée par la Sosumo n'a pas encore changé. Le prix n'a pas encore changé. C'est le prix toujours fixé par la Sosumo. C'est pourquoi on vient de dire que la Sosumo ne comprend pas pourquoi c'est la lamentation de la population de ses consommateurs. La Sosumo se base sur les listes fournies par l'administration, c'est-à-dire les administrateurs communaux, en collaboration avec les chefs de zone et les chefs de quartier. L'administration devait jouer un rôle primordial dans le suivi de la commercialisation de ce cycle, parce que c'est l'administration qui connaît bien ces grossistes, ces détaillants de ce produit, puisque c'est ces administrateurs qui nous fournissent les listes des grossistes, de détaillants de ce produit. Alors, le cycle produit actuellement par la Sosumo ne peut pas satisfaire le marché local, la population burundaise. Et c'est pourquoi la Sosumo fait recours à l'importation des cycles pour appuyer cette quantité produite par la Sosumo afin de satisfaire le marché. Par exemple, à l'Ohelo, on a distribué 186 Ngagara, on a distribué 108 tonnes. Chibitoke, on a distribué 64 tonnes. Giza, on a distribué 59 tonnes. Ruyenzi, on a distribué 82 tonnes. Kanyosha, 133 tonnes. Musaga, 24 tonnes. Buterere, 9 tonnes. Au total, on a distribué 665 tonnes pour la ville de Bujumbura, pour dire que les consommateurs de ce produit devraient acheter ce produit sans problème. Les trois personnes détentrices de débits de boissons Brarudi sur la colline Ebusebga en commune et province Rumonge sont définitivement rayées de la liste des commerçants des produits Brarudi depuis ce 30 mai 2023. Dans sa décision sortie ce mardi, Léonard Nyon Saba, gouverneur de Rumonge, les accuse de n'avoir pas respecté les prix officiels de ces boissons. En janvier de cette année, le gouverneur de Rumonge avait définitivement rayé de la liste des commerçants des produits Brarudi 14 autres personnes détentrices de cabarets et dépôts des boissons Brarudi sur différentes collines de la commune et province Rumonge. Les commerçants de vivres qui transportent ces denrées de la province Mwaro vers d'autres provinces du pays doivent au préalable avoir l'autorisation du gouverneur de cette province. Cette mesure a été prise ce mardi 30 mai. Colonel Gaspard Gassansgué déclare que la mesure vise à protéger la récolte. Laurent Dikouliou. Selon le gouverneur de la province Mwaro, cette mesure prise ce mardi 30 mai 2023 concerne surtout les grains comme le haricot, le maïs, le blé, le riz et autres. Selon le contenu de cette mesure qui vise la protection de la récolte, Colonel Gaspard Gassanze, gouverneur de la province Mwaro, demande aux commerçants de denrées vivrières qui les transportent de la province Mwaro vers d'autres provinces qui doivent avoir une autorisation irrelative donnée par le gouverneur de cette même province de Mwaro. Aussi, selon toujours cette autorité provinciale, cette autorisation ne sera octroyée aux commerçants transporteurs de ces denrées agricoles qu'après avoir amené une lettre émanant de l'autorité provinciale du lieu de destination attestant l'endroit où ces denrées sont acheminées, leur affectation exacte. Selon cette mesure mise en application le même jour de sa signature, le gouverneur de la province Mwaro demande aux responsables administratifs dans toutes les communes de la province Mwaro et aux autorités chargées de la sécurité à différents échelons de faire respecter la dite mesure. Au moment où la récolte pour la saison culturelle B est en cours, le gouverneur de la province Mwaro souligne que, globalement, la récolte est bonne car la pluie est tombée de façon modérée, sans incidents liés aux intempéries. De Mwaro, Laurent Dikouliou, Radio Isanganiro. Merci Laurent. L'Organisation pour la lutte contre les stupéfiants, boissons prohibées, tabagisme et alcoolisme, Olco sans sigle, se réjouit de la baisse historique du nombre de fumeurs au Burundi. Dans un communiqué de presse rendu public en cette journée mondiale sans tabac, cette organisation a indiqué que depuis 2017 jusqu'à présent, les données de l'enquête démographique et de la santé montrent que la situation du tabagisme au Burundi a fait que la quasi-totalité des femmes et des hommes ne fumeraient plus du tabac. Leur nombre est passé de 99% à 89%. En Afrique, la culture du tabac se développe massivement alors qu'un nombre croissant de personnes sont confrontées à une grave insécurité alimentaire. En 2022, par exemple, le Zimbabwe aurait exporté près de 200 millions de kilos de feuilles de tabac brut, contribuant à près d'un milliard de dollars des recettes d'exportation annuelles. La Chine finance l'essentiel de la production et achète la plus grande partie du tabac zimbabwéen. La journée mondiale sans tabac a lieu le 31 mai et le thème de cette année, c'est cultiver de la nourriture, pas du tabac. Santé toujours, la politique gouvernementale de gratuité des soins de santé pour les enfants de moins de 5 ans et les mères qui accouchent a favorisé l'augmentation du taux de femmes enceintes qui accouchent soit dans les hôpitaux, soit dans les centres de santé. C'est le constat du porte-parole du ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida. Concernant les lamentations des patients obligés par les soignants d'acheter les médicaments dans les pharmacies, Polycarpe Ndaikeza indique que cela est dû à l'insuffisance de certains médicaments dans ces centres de santé et hôpitaux de district. Suivez-le. Depuis 2006, cette politique est en vigueur. Le gouvernement du Burundi, à travers le ministère de la Santé publique, continue à offrir des soins et services de qualité à cette catégorie qui est concernée par cette gratuité des soins. Les femmes qui accouchent ainsi que les enfants d'au moins de 5 ans. La politique est en vigueur et elle continue. L'achat des prestations, donc paiement de gratuité et de la performance des prestataires des services de santé continue. Appui à la mise en œuvre des FPP, gratuité, ça continue. Même le renforcement des prestataires et des prestations nouvellement intégrées au niveau du programme FPP, ça continue. La population concernée continue à bénéficier de ces services gratuitement. On ne peut pas dire qu'on va offrir des soins de qualité sans médicaments. Les médicaments sont impératifs pour pouvoir soigner les gens. Mais le circuit de réquisition des médicaments est connu et clair. C'est le Dixenter qui s'approvisionne au niveau de la Camébou et les formations sanitaires s'approvisionnent au niveau des districts. S'il y a la non-satisfaction de leurs commandes, ils obtiennent une autorisation d'aller s'approvisionner dans les pharmacies de groupes privés. Mais généralement, lorsqu'il n'y a pas de rupture nationale dans les médicaments, surtout voici la liste des médicaments essentiels, il n'y en a pas non plus dans les pharmacies sanitaires. Mais un médecin ou un infirmier qui consulte un patient, une femme enceinte ou un enfant de moins de 5 ans, dans ces hypothèses où les diagnostics du genre dressés, ils peuvent écrire sur l'ordonnance médicale un médicament qui ne se trouve pas sur la liste des médicaments essentiels parce qu'ils le jugent très efficace pour la guérison de cette maladie. Alors, l'on peut trouver une situation où, parmi les quatre ou les trois médicaments écrits sur l'ordonnance, on peut trouver qui n'est pas sur la liste des médicaments se trouve si cette formation sanitaire serait le niveau, si c'est le CDS ou l'hôpital du district. Mais généralement, la boutique dit que la consultation, les examens pour pouvoir éliminer les hypothèses et trouver un vrai diagnostic afin de pouvoir traiter correctement et l'hospitalisation, tout ça c'est gratuit pour cette catégorie. Polycarpe Ndaikeza, porte-parole du ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida. Les travaux de construction du stade Inouari arrivent à 70%, annonce l'ingénieur chargé de ces travaux de construction à ce stade moderne. Il l'a dit l'après-midi de ce mercredi au cours d'une conférence de presse organisée par la commission chargée du suivi de ces travaux qui viennent de durer 8 mois. Satisfaction du côté de Révérien Dikouri, au président de cette commission, face à l'état d'avancement des travaux. Il demande à ceux qui ont contribué de continuer à le faire pour achever cette infrastructure dans les plus brefs délais. Évariste Zikobanyanga. Les travaux de construction du stade Inouari étaient censés prendre fin ce mercredi 31 mai, comme avait été annoncé le jour du lancement de ces travaux. Cela étant, ces travaux sont à un niveau satisfaisant, selon l'ingénieur méthode Ndikuma Genge, qui suit de près ces travaux. Il a précisé au cours de cette conférence de presse qu'après l'inspection par les trois émissaires de la CAF et de la FIFA, quelques modifications qu'ils ont proposées ont été prises en compte et ces derniers arrivent à 78%, a-t-il ajouté. Au cours de cette conférence de presse portant évaluation des travaux de construction du stade Inouari, le président de la commission de suivi de ces travaux, Révérien Dikouriop, lui aussi s'est dit satisfait de l'état d'avancement des travaux. Il remercie ceux qui ont contribué pour que ces travaux puissent arriver à ce niveau très avancé et leur a demandé de continuer à le faire, tout en appelant d'autres Burundais qui ne se sont pas encore engagés de le faire pour bâtir cette infrastructure d'intérêt communautaire, a-t-il ajouté. Et le fait que les travaux de construction du stade Inouari ne soient pas achevés ce 31 mai 2023 comme promis, Révérien Dikouriop a expliqué que cela a été dû au fait que les promesses de la FIFA ont traîné suite au procès dur de cette organisation. De son côté, le président de la Fédération de football du Burundi, FFB, général de brigade de police Alexandre Mouyenge, a indiqué que si rien ne change, ces travaux de construction du stade Inouari pourraient prendre fin avec la fin du mois d'octobre de l'année en cours. L'utilisation des plantes biopesticides comme le Titonia et le Nîmes impacte sur la qualité et la quantité de la production agricole. Cela ressort dans l'atelier de restitution des résultats d'une recherche de l'ISABO sur les plantes biopesticides et matières inertes dans la gestion des ravageurs. Un atelier organisé par Inades Formation ce mercredi. De leur côté, les agriculteurs déclarent rencontrer des défis liés à la disponibilité du matériel de pulvérisation. Et les 9 changeurs de monnaie condamnés au paiement d'une amende judiciaire de 100 000 francs burundais chacun et la confiscation de tout l'argent saisi sur eux le soir de ce mardi restent encore retenus au cachot de la police judiciaire de Rumonge. Les informations Les informations obtenues de leurs proches indiquent qu'on leur a dit qu'il fallait encore attendre lorsqu'ils s'apprêtaient à aller payer l'amende pour rentrer chez eux ce mercredi matin. Des sources proches du parquet de Rumonge indiquent que ce dernier aurait interjeté appel. Interrogé à propos, le procureur de la République à Rumonge s'est gardé de tout commentaire. Parle, rassure-moi. Les discours accusateurs créent des divisions, de la haine entre membres d'une communauté, explique un enseignant d'université et formateur en leadership. Hacher Nyonizigiye fait savoir que de tels discours prolifèrent à l'approche des élections et pour limiter leurs conséquences, il faut notamment éviter de propager ces discours. Mireille Kanyang. Les discours accusateurs visent la méfiance de l'autre, le qualifiant de mauvaise personne, explique cet enseignant et formateur en leadership. On qualifie d'accusateur un discours qui part de quelque chose qui a été fait ou qui a été dit pour présenter un individu donné ou un groupe de personnes comme des personnes mauvaises, comme des personnes dangereuses, comme des personnes dont il faut se méfier, qu'il faut marginaliser. Ça peut être vrai, la personne peut avoir fait des choses incorrectes dans la communauté, mais l'accusation va dans le sens de dire, vous voyez que c'est une mauvaise personne, alors méfiez-vous de cette personne, ne l'écoutez plus, écartez-la. Donc c'est là que ça devient dangereux, lorsqu'on isole la personne et qu'on la met à l'écart comme une mauvaise personne. Ce genre de discours survient à l'approche des élections, comme l'explique Hacher Nyonizigiye, et c'est dans le but de noircir les autres. En principe, lorsque ce genre de discours prolifère, c'est lorsque les gens sont dans une situation où ils ont besoin de s'attirer une partie, un groupe donné de personnes, pour qu'ils les soutiennent. Et principalement, c'est la période qui conduit vers les élections. Parce que c'est souvent lié à ce qui se passe sur la scène politique. Lorsque les gens ont besoin d'avoir du soutien, ils ont tendance à essayer de noircir les autres pour que ceux qui pourraient penser à les soutenir, à les suivre, puissent changer de camp et venir vers ceux qui donnent des discours accusateurs. Au niveau des communautés, ces discours créent de la haine et peuvent conduire à des actes criminels, selon cet expert. Au niveau des communautés, ce genre de discours crée des divisions, de la haine, de la méfiance entre les membres de la communauté, parce que ceux qui sont visés par ces discours se sentent offensés et ceux qui écoutent ces discours, s'ils les reçoivent positivement, ils ont tendance à regarder les autres, donc ceux qui sont accusés, avec méfiance. Et avec la méfiance dans la communauté, l'unité n'est plus possible et si rien n'est fait, cette méfiance peut même conduire à des actes criminels contre les personnes qu'on a accusées. Pour limiter le contenu de ce genre de messages, il faut entre autres éviter de les propager, suggère-t-il. Je parle de ceux qui les écoutent d'abord. Il faut que chacun prenne le temps de questionner ce qu'il entend. Ne pas tout prendre comme vrai, parce qu'il y a des gens aussi qui manipulent, il y a des gens qui mentent. Deuxièmement, il faut éviter de propager ces discours soi-même. Troisièmement, il faut que les auditeurs en parlent entre eux-mêmes. Toujours poser des questions. Est-ce que ce qu'on nous a dit, c'est vrai? Est-ce que ce qu'on nous recommande de faire, est-ce que c'est la bonne chose à faire? Les auteurs de ces discours devraient mettre en avant le bien de la communauté et à la communauté de prendre du recul, conseille Hacher Nyonizigiye, enseignant et formateur en leadership. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Ne tournez pas le bouton. Les programmes de Radio Isanganiro continuent.